J'espère qu'il n'y a pas son monstre, là. Mademoiselle. C'est bien payé, votre truc. S'il vous plaît. C'est bien payé, votre truc. Ça dépend de toi, ça, ma cocotte. Mais ça veut dire quoi? C'est un livre sur le rapport entre les femmes et les animaux. Ça veut dire exactement ce que ça veut dire. C'est un livre qui parle du rapport qui peut exister entre un animal d'une part et une femme d'autre part. Mais c'est pas des photos à caractère sexuel. Attends, écoute, ma fille, si ça t'intéresse, tiens mon numéro qui est là. Si ça t'intéresse pas, on va messier bon week-end. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Enfin, y a un moyen, comme moi, je. Tu vois? Y a un moyen de tout. Tout est négociable, je te dis. N'a pas un plan tarifaire avec les prix, hein. Est-ce que t'es épilé? T'es pas épilé? Est-ce que t'as des copines? T'as pas de copines? En tout cas, ils t'ont pas loupé, là. Je sais pas si c'est un cheval ou une truie, non, mais. Avec ta tronche ou quoi? Pour se faire un bouquet sur Halloween, si tu veux, hein? Hein? Connard, va! Mais! Faut faire affaire, hein! Aliens!